Nous sommes mardi 28 juillet. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Début ce mardi de la passation de l'examen d'État dans tout le pays. Dans ce journal, nos reporters, nous ferons le point à Merido Bujumbura et Gitega. Le ministre de l'Éducation appelle les élèves candidats au test à éviter toute tricherie. Et l'Association burundaise des radiodiffuseurs a rappelé les journalistes à ne pas exhiber les images des présumés auteurs de différentes infractions. Dans la chronique santé, vous aurez le traitement de la vésicule biliaire avec le docteur Mbonichula Jean-Claude dans cette édition mise en onde par Aimé Toussaint Mitebouti. Rebonjour et bienvenue. Coopération pour débuter cette édition. Des diplomates européens souhaitent renouer la coopération avec le Burundi. Ceci ressort d'une audience ce lundi que le président burundais Evariste Ndayishimiye a accordé aux ambassadeurs allemands, belges, français, le délégué de l'Union européenne au Burundi. Selon Jean-Claude Karegwa, porte-parole du chef de l'État, le président de la République a été invité à participer à des rencontres internationales, dont le sommet France-Afrique prévu l'année prochaine. Suivez Jean-Claude Karegwa, porte-parole du président burundais. Le chef de l'État vient de recevoir trois ambassadeurs des pays européens. Il s'agit de l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, l'ambassadeur de la France et enfin l'ambassadeur de l'Union européenne. Les trois diplomates sont venus d'abord pour exprimer leurs félicitations et leur soutien au chef de l'État, mais aussi pour demander qu'il y ait rétablissement de bonnes relations entre le Burundi. Ces trois pays de l'Union européenne. Ces ambassadeurs demandent que leur pays, le Burundi, s'engage dans un dialogue politique franc qui permettrait de renouer les rapports de coopération entre le Burundi et ces pays, mais aussi l'Union européenne. Le chef de l'État a bien accueilli les deux messages. Il a remercié les ambassadeurs qu'il a reçus, d'abord pour les messages de félicitations qu'ils lui ont adressés dans la fraîcheur de sa victoire aux dernières élections. Et il leur demande, s'agissant de ces relations qu'ils veulent renouer avec le Burundi, il leur demande s'ils veulent coopérer avec le Burundi, qu'ils puissent comprendre que le Burundi est un pays qui a toujours privilégié les rapports de coopération, d'entente mutuelle, mais qu'on veut une coopération gagnant-gagnant, une coopération qui respecte les conventions et les traités internationaux. Il a aussi été une occasion pour l'ambassadeur de la République de France d'inviter le chef de l'État à un sommet France-Afrique qui pourrait se tenir en 2021 à Paris, en France. Ce fut aussi une occasion pour l'ambassadeur de l'Union européenne d'inviter le chef de l'État à participer à un sommet Union européenne, Union africaine qui devrait se tenir au mois d'octobre de cette année. Jean-Claude Karegwa, porte-parole du chef de l'État à Burundi. Parlons aux médias à présent. Les journalistes sont appelés à travailler en respectant les droits des présumés auteurs de certaines infractions dont les photos ne doivent pas être diffusées. L'appel est du président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs, ABR, après que certains médias aient exhibé ces derniers jours des photos ou images des présumés auteurs de certains faits infractionnels. Onésime Haroubounou leur demande d'attendre le prononcé du jugement. Je vous prie de le suivre au micro d'Aubin Niyonkuru. L'article 21 de la loi sur la presse stipule dans certains paragraphes que tous les médias ont le droit d'accéder aux sources d'informations et de se procurer des informations de sources diverses, sauf si les dites informations sont confidentielles en vertu de la loi. Ici, je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à mes confrères, mes consoeurs, les journalistes, de respecter la loi régissant la presse, de respecter la déontologie journalistique, parce que ça vaut la peine. Par rapport aux images d'un présumé, normalement, il n'est pas bon de les publier avant la publication du juge. Parce que c'est le juge qui a le droit de prononcer si la personne, effectivement, est présumée coupable ou pas. Alors, publier les images d'un innocent, vous comprenez que ce n'est pas bon. Bon, ici, je ne suis pas contre à ce que le coupable soit puni, mais effectivement, il faut que le juge ait rendu la publication de dire que effectivement la personne est coupable. C'est à ce moment qu'on peut diffuser ou publier, que ce soit même les images de la personne concernée. Alors, si le juge bon, effectivement, le journaliste a tout le droit de publier les images, les photos de la personne, parce que c'est pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt public, que le journaliste, effectivement, effectue le métier. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page éducation à 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro, début de la passation de l'examen d'état ce mardi, un examen d'état donnant accès à l'enseignement supérieur en province Gitega, la capitale politique. Cet examen se fait dans 14 centres de passation des communes Gitega, Giheta, Gishubi, Gansoro et Bugendana. Là où notre confrère Arthur Kavaouji est passé, cet examen a débuté entre 8h et 9h30. Quant au lycée Notre-Dame de la Sagesse, il y a des malvoyants et des sourds-muets. Ils bénéficient, eux, d'un temps supplémentaire. Voici son reportage. Dans la capitale politique Gitega, il y a 14 centres de passation de l'examen d'État édition 2020 donnant accès à l'enseignement supérieur. Dabaha Gamnier Bernard, directeur provincial de l'enseignement à Gitega, a indiqué que ces centres sont dans 5 communes, à savoir Gitega, où il y a 9 centres, Giheta, un centre, Gishub, un centre, Diansoro, un centre et Bugendana, 2 centres. Là où nous sommes passés dans 7 centres de la ville de Gitega, les heures de début diffèrent. Au lycée Gitega, là où le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Gaspard Banyakimbona, a donné le coup d'envoi au niveau national, l'examen a débuté à 8h15. À ce centre, il y a 665 candidats et 12 écoles y sont affectées. Au lycée Notre-Dame de la Sagesse, il y a 704 candidats et ces écoles s'y sont rencontrées. À cette même école, il y a un malvoyant et un sourd-muet. Et le directeur de ce centre dit qu'ils bénéficient d'un temps supplémentaire et ils ont un encadreur. L'examen a débuté à 8h30. Au lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha, il y a 906 candidats. 11 écoles y passent l'examen. Ils ont commencé à 8h55. À l'école paramédicale de Gitega, il y a 748 candidats. 14 écoles y passent l'examen. Ils ont débuté à 9h30. À l'école sociale de Gitega, il y a 243 candidats. 4 écoles y passent l'examen. Ils ont commencé à 8h50. Quant à l'école des travaux publics de Gitega, il y a 717 candidats. 9 écoles toutes techniques y passent l'examen. Ils ont commencé à 9h30. Excepté là où ils ont commencé en retard dans la ville de Gitega, il n'y a aucun incident enregistré et même le dispositif de lavage des mains ainsi que des désinfectants ont été disponibilisés pour se prévenir contre la COVID-19. Depuis Gitega, Arthur Kavaouji, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavaouchi. Et en mairie de Bujumbura, la passation de cet examen a débuté à l'heure. À certains centres, des élèves qui ont échoué en classe se sont retrouvés sur les listes des candidats. Vous l'avez entendu dans le reportage d'Arthur Kavaouchi. Le lancement officiel de cet examen a eu lieu au lycée Gitega par le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique Gaspard Banyakimbona, qui a appelé les élèves finalistes passant cet examen à bien se comporter, à ne pas déchirer leurs uniformes après la passation de cette épreuve vendredi. Il a également exhorté ses élèves à comprendre qu'ils ont déjà atteint la maturité. Suivez. Nous avons trouvé que les élèves étaient bien préparés, encadrés aussi, je veux dire surveillants. Et on en a profité pour distribuer quelques exemplaires, surtout pour la section langue. L'examen d'état est, disons, une étape cruciale de la vie pour l'élève qui atteint à ce stade sa maturité. Nous invitons ces élèves à comprendre effectivement qu'ils sont au niveau du développement physique à la fin de l'enfance, à la fin de l'adolescence, et ils vont être des adultes à l'université. Et donc c'est une étape de la vie, mais qui ne doit pas les distraire. Parce que après ce test, il y aura d'autres tests. On est toujours à l'école. L'école de la vie ne finit pas avec les tests réguliers qui sont organisés juste pour l'évaluation. Nous leur demandons de célébrer la fin de l'examen, de célébrer éventuellement la fin de l'école secondaire, mais de rester dans la dignité, dans un vrai Burundais, de se comporter en enfant digne de son pays, en respectant la tradition et les mœurs comportementales des Burundais. À 13h06 dans nos studios, Page Justice et l'association Ntabariza œuvrant dans le domaine de la promotion des droits des prisonniers et de leurs familles, apprécie la mesure prise par le ministère de la Justice, fixant un délai ne dépassant pas 2 mois pour que tous les dossiers des prisonniers prévenus soient traités. Jean-Marie Chimilimana, représentant légal de cette association, demande à ce ministère de prendre des mesures facilitant d'autres prisonniers qui ont déjà purgé le quart de leur peine. Suivez. L'association Ntabariza félicite le gouvernement burundais via le ministère de la Justice pour la mesure prise donnant un délai de 2 mois aux instances habilitées afin que tous les dossiers de prisonniers prévenus soient traités. Nous apprécions cette mesure combien louable de faciliter les prisonniers et espérons que cette tâche libérera un bon nombre de prisonniers. Nous demandons au ministre de la Justice de bien vouloir prendre des mesures ces 2 mois, facilitant les autres prisonniers condamnés, surtout ceux qui avaient reçu la grâce présidentielle de 2019, et ceux qui ont déjà purgé le quart de leur peine, et ceux qui sont acquittés, mais qui sont toujours dans les prisons. Ces prisonniers pourraient aller travailler et contribuer dans les activités de développement. Tout cela, c'est pour mettre en application les propos du président Ndayishimiye, faisant état de travailler pour tous. Poursuivons cette édition grimpée du prix des légumes et séjour d'été au chef-lieu de la province Ngozi. Comparativement à la période pluvieuse, il est passé du simple au triple, voire plus, ce qui n'avait jamais été arrivé dans cette province selon les clients. Cassien Dondogori, ingénieur agronome chargé de la production végétale au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Ngozi, donne comme solution l'introduction de la technique de conservation des légumes en poudre, quitte à l'utiliser pendant la pénurie, comme le font selon lui certains pays de la sous-région, notamment au Kenya. Le point avec Apollinaire Muzagar. Bon nombre de ménages du chef-lieu de la province Ngozi n'utilisent actuellement que des choux pour améliorer en légumes le haricot et autres denrées des clients rencontrés au marché central de cette province, à l'endroit communément appelé la ferme, en bas du lycée Don Bosco, appelé Burengo, et n'est qu'ils préféraient d'habitude des légumes dites amarantes, mais qu'elles font très défaut en cette période estivale, avant l'été. 100 francs suffisaient pour améliorer la ration en légumes, mais aujourd'hui, il nous faut 400 voire 500 francs, déplore Cassien Dondogori, un ancien agronome du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, parle de la cueillette en grande quantité de ces légumes et d'appliquer la technique de déshydratation de ces derniers afin de les conserver en poudre comme une des solutions à cette pénurie. Comme ça, pendant la carence de légumes, on la met dans le haricot et autres. L'odeur et la couleur ne changent pas, explique-t-il. On dirait, d'après lui, des légumes fraîchement cueillis. Des cadres du BPA Ngozi déplorent que le projet de productivité et de développement des marchés agricoles, Prodema en sigle, avait promis d'entamer cette technique, mais a fermé ses portes sans rien faire. Il demande au gouvernement de mettre dans ses priorités cette technique, permettant une bonne et longue conservation des légumes, comme le font certains pays de la sous-région. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Parlons pêche. À présent, d'ici la fin du mois d'août de cette année, tous les pêcheurs qui exercent leurs activités de pêche sous le lac Tanganyika seront couverts par une assurance vie en cas d'improbable accident dans le lac. C'est une décision saluée par les pêcheurs en général, bien qu'il y ait quelques pêcheurs qui trouvent que c'est une mesure à prendre tenant compte de plusieurs contours. Le point avec Fidel d'Antoine Sabiman. C'est le moteur du bateau de pêche qui embarque avec des pêcheurs dans l'Oc Tanganyika. Depuis la plage de pêche appelée Olympique, quartier Nyabugete, zone Kanyosha, commune Mouha, au sud de la mairie de Bujumbura. 8 pêcheurs qui n'ont aucune assurance vie s'il advenait un accident au moment de leur activité de pêche sont au bord de ce bateau. Gabriel Boutoyi, représentant de l'association des pêcheurs du Burundi, dit qu'ils ont déjà relevé le risque qu'encourent ces pêcheurs. Gabriel Boutoyi fait savoir que son association a une convention avec Business Insurance and Reinsurance Company, BIC en sigle, afin de pourvoir une assurance à tous ses pêcheurs. Baranikwa Deo Gracias, responsable des pêcheurs de la plage de pêche communément appelée Olympique, indique qu'une telle assurance est une première au Burundi. Si tu es couvert par une assurance, c'est comme une identité partout. Chacun peut savoir que tu es un pêcheur, mais avant la réalité était tout autre. S'il est blessé dans un accident au lac, l'assurance se chargera des soins et si par malheur la victime succombe de l'accident, sa famille sera indemnisée comme le prévoient les sociétés d'assurance. Bien que la plupart des pêcheurs s'adhèrent au ratio de cette assurance, il y a une autre partie qui trouve qu'il faut une entente approfondie entre tous les pêcheurs et l'assureur afin de faire tous les contours de ce produit d'obique. Ce projet n'est pas du tout clair. Partent dans un bateau non assuré. Il est insensé que les bateaux ne soient pas assurés aussi parce que c'est l'accident du bateau qui cause de pertes en vie humaine. Au niveau de la direction de pêche au ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, ils ont fait savoir que ce ministère n'a fait que le travail de facilitation entre l'association des pêcheurs et l'assureur. Radio Isanganiro, chronique santé. Pour traiter la vésicule biliaire située sur le côté droit de l'abdomen, les médecins font recours à la chirurgie. Docteur Mbonichula Jean-Claude, chirurgien, nous avait parlé lors de la chronique précédente que dans 80% des cas, la lithiase biliaire ne provoque pas de symptômes et 20% des personnes touchées ont une vive douleur comme un symptôme le plus caractéristique. Ce spécialiste conseille qu'il faut consulter le médecin le plus tôt possible une fois que les symptômes s'observent et cela pour éviter les complications liées à cette maladie. La chronique santé signée Ornella Mucho. Une fois que le patient a une vive douleur causée par la vésicule biliaire sur le côté droit de l'abdomen, le médecin propose des examens. Docteur Jean-Claude Monchoula, chirurgien, fait savoir que l'échographie confirme si c'est réellement cette maladie. À l'examen physique, quand le malade se présente chez le médecin, il y a ce qu'on appelle le syndrome Murphy positif. Quand on demande au malade d'inspirer profondément, la douleur est accentuée. Et puis, à la biologie, on n'a pas de perturbation du tout. Et donc on le dit ainsi que de colique hépatique, cette douleur aiguë biliaire liée à la lithiase sera confirmée à l'échographie abdominale qui va montrer une image en cône d'ombre postérieur. Le traitement de la maladie associe des antibiotiques et une intervention de la chirurgie. Le traitement, il faut réfléchir de trois façons. La première façon, c'est est-ce que la lithiase vésiculaire est symptomatique? Si elle n'est pas symptomatique, on ne fait rien. Mais si c'est symptomatique, sans complication type cholecystite aiguë, angiocholite, pancréatite aiguë lithiasique, il faut dans l'urgence envisager un traitement antalgique, antidouleur, sans tarder, on va envisager d'enlever la vésicule biliaire parce que c'est ça même le stock des calculs qui risque toujours de donner des complications. Ce spécialiste souligne que le retrait de la vésicule biliaire n'entraîne pas des conséquences. Il ajoute que la digestion continue de se faire normalement. De temps en temps, on peut voir quelques épisodes de diarrhée qui sont passagères. Même si ça persiste, il y a toujours des médicaments à donner parce qu'en fait, souvent, c'est les biliaires qui deviennent en grande quantité dans le tube digestif. digestif parce que le rôle de la vésicule étant de stocker la bile entre les repas. Parce qu'en fait, après tout, l'organisme est informé que la vésicule n'est plus là. Et le foie va, au lieu de libérer beaucoup de bile, va en libérer une petite quantité. Il avertit que la vésicule biliaire peut causer d'autres maladies lorsque le patient ne s'est pas soigné à temps au moment où il a déjà constaté des symptômes. Mais il faut libérer la voie biliaire principale de la bile qui est infectée. Sinon, le malade présentera facilement des complications type de sepsis et d'insuffisance rénale grave avec des taux de mortalité élevés. Docteur Jean-Claude Monchura précise que normalement, il n'y a aucun moyen de prévention contre cette maladie à part se faire soigner à temps. Merci. On est là, mucho ainsi à 13h15 dans le studio de la radio Tanganyika. Ça s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti qui assure la mise en onde et la rédaction Tanganyika qui m'a aidé à le réaliser. Bon après-midi à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.